Elle m'a dit d'attendre la mort de ce misérable Marneff, et j'ai consenti, tout en lui pardonnant d'avoir accepté les hommages de Hulot. Je ne sais pas si le diable a pris des jupes, mais cette femme, depuis ce moment, a satisfait à tous mes caprices, à toutes mes exigences. Enfin, elle ne m'a pas donné lieu de la suspecter pendant une minute. « Ça, c'est très fort !» dit Carabine à Madame Nourrisson. Madame Nourrisson hocha la tête en signe d'assentiment. « Ma foi en cette femme !» dit Montès en laissant couler ses larmes. « Égale mon amour ! J'ai failli souffleter tout le monde à table tout à l'heure. »« Je l'ai bien vu, » dit Carabine. « Si je me suis trompé, si elle se marie, et si elle est en ce moment dans les bras de Steinbock, cette femme a mérité 1000 morts, et je la tuerai comme on écrase une mouche. » « Et les gendarmes, mon petit ? » dit Madame Nourrisson avec un sourire de vieille qui donnait chair de poule. « Et le commissaire de police, et les juges, et la cour d'assises, et tout le tremblement ? » dit Carabine. « Vous êtes un fat, mon cher, » reprit Madame Nourrisson, qui voulait connaître les projets de vengeance du Brésilien.